Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. L'énergie du peuple français, la volonté du peuple français ont écrit notre histoire. L'histoire de la France ne commence pas le 14 juillet 1789, mais ce jour-là, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Le président français Emmanuel Macron, le 14 juillet 2018, lors du traditionnel discours du président à l'occasion de la fête nationale, l'histoire de France ne commence pas le 14 juillet 1789, rappelle avec justesse le président Macron, mais cette date correspond pour lui au moment où le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Que représente donc aujourd'hui cette date du 14 juillet pour les Français et de fait, que s'est-il passé ce fameux jour du 14 juillet 1789? Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille! Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Extrait du film « La Révolution française » réalisé en 1989 par Robert Enrico et Richard T. Efron. Dans cet extrait, on entend le duc de Liancourt réveiller le roi Louis XVI pour lui annoncer que la Bastille vient de tomber et que c'est la Révolution. Pour nous raconter cette historique prise de la Bastille du 14 juillet 1789, pour situer aussi son importance dans l'histoire de France et dans l'histoire de la Révolution française, je reçois Laurent Turcot, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Je vous la pose directement, la question, Laurent. Qu'est-ce que ça représente, un peu ce qu'Emmanuel Macron... On a entendu Emmanuel Macron qui allait de sa propre interprétation de cette date du 14 juillet. Pour les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Représente cette prise de la Bastille du 14 juillet 1789? Ça représente beaucoup, et même tous les présidents qui sont passés, même avant les empereurs qui sont passés, avant Emmanuel Macron, ont fait de la prise de la Bastille un élément référentiel de la nation française. Oui. Parce que c'est à ce moment-là que la France a décidé, selon certains, de prendre les rênes de son pouvoir à elle. Et c'est là qu'il y a eu un basculement pour décliner ce qu'on a appelé le nouveau régime, pour qualifier bien sûr ce qui était l'ancien régime, la monarchie de droit divin, la monarchie qu'on a dit absolutiste, bien que ça, il faudra apporter des nuances. Mais l'importance de la Bastille, elle est aussi grande pour les Français que pour nous de la bataille des Plaines d'Abraham. Ouais. Et il faut se rappeler qu'on ne peut penser la Bastille sans y accoler une espèce d'idéologie politique. Tous les chefs des grands partis politiques ont leur interprétation de la Bastille. Et c'est souvent un peu déstabilisant de se dire, bon ben là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On parle plus de l'importance que ça a eu que des événements comme tels. Oui, parce que dans les fêtes, justement, quelle importance... Symboliquement, on le comprend. C'est devenu un symbole très, très fort. On peut dire que c'est probablement pour la plupart des Français la date, la première fois où le peuple fait reculer le roi, hein, le 14 juillet 1789. Mais dans les faits, quelle importance elle a, cette date, cette prise de la Bastille, dans l'histoire de la Révolution française, Laurent Turcot? Elle fait partie d'un des événements de la Révolution. La Révolution ne commence pas le 14 juillet 1789. On aurait tort de le croire. Ouais. On aurait tort de croire à un événement subi qui n'a pas de racines, parce que dès le 18e siècle, dès le début du 18e siècle, on a ces espèces d'éléments de réforme qui sont portés par, bien sûr, ce qu'on appelle le tiers-État, la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie, le peuple aussi, donc tout ce large bassin qui compte près de 98% de la population et qui n'ont pas les rênes du pouvoir, qui sont laissés pour compte dans une société inégalitaire et hiérarchique et qui se disent « peut-être qu'il est temps que les aristocrates et que l'Église, qui ont presque 99% de la richesse, paient des impôts de leur côté. Donc, c'est une volonté de réforme. Et le mot même de révolution apparaît dans le langage en France dès les années 1770. Ouais. Donc, arrêtons de croire que... Ah oui, c'est une longue marche qui va mener au 14 juillet. Donc, cette marche-là, décrivons-la un peu. Comment on en arrive à cette prise de la Bastille du 14 juillet 1789? Dans quel contexte, au fond, se situe ce soulèvement du 14 juillet? Bien, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que la France est dans de graves problèmes économiques. Il y a différents éléments qui ont plombé son budget. Premièrement, les grandes dépenses des bâtiments royaux. Versailles, par exemple. Là, on va dire, oui, mais Versailles s'est construit à la fin du 17e siècle. Oui, mais on a rajouté plein de bâtiments. Et il y avait aussi les jardins publics, tout le domaine royal qu'il faut entretenir. Et ça coûte cher. Ouais. À ça, ajoutons bien sûr la Révolution américaine de 1776. Si la France n'y a pas directement participé, on a quand même envoyé beaucoup d'argent. On a envoyé des généraux, on a envoyé le marquis de Lafayette. Ouais. Et on a donné de l'argent aux Américains. Sauf que là, rendu dans les années 1780, ben, les prêts qu'on a contractés dans les années 1770, il faut les rembourser. Et là, la population se dit, ben là, ça, c'est derrière nous. Pourquoi aurait-on à payer pour quelque chose qui est dans le passé? France très endettée, pression populaire. Il y aura une étape importante qui mènera vers la prise de la Bastille, les États généraux. Déjà, ils sont réclamés dans ce contexte que vous décrivez, cette France qui crève de faim, mais qui est très endettée en même temps. On commence à réclamer les États généraux vers 1787. Louis XVI va essayer de trouver un ministre des Finances qui va remettre un petit peu de l'ordre dans les finances publiques. Jacques Necker, ça sera important, on va y revenir. Et puis finalement, ces fameux États généraux qui sont réclamés, Il débute en mai 1789. Comment ça se déroule, cet exercice-là? Rappelons quand même ce que c'est que les États généraux. C'est que quand la France est endettée, on réclame les trois ordres du royaume, donc l'aristocratie, l'Église, le clergé et le tiers-État. Comme on a dit tout à l'heure, la presque totalité du peuple. Et là, on demande aux trois ordres comment on va répondre aux besoins financiers. La plupart du temps, c'est qu'on va s'entendre entre l'aristocratie et le clergé pour taxer le tiers-État. C'est ce qui s'était passé en 1614. C'était la date des derniers États généraux. Donc, on réclame les États généraux en 1789 pour régler la dette, sauf que le tiers-État lui dit « Hey là, ça va faire. » À chaque fois qu'il y a eu des États généraux, on s'est fait avoir et nous ne sommes plus une populace qui va se faire imposer des diktats. Donc, nous voulons prendre les rênes du pouvoir et nous sommes prêts à le faire. Mais il va y avoir une espèce de nouveauté qui va être introduite par la royauté. Et c'est ce qu'on va appeler les cahiers de doléances. Oui. Les cahiers de doléances, c'est que le roi, mais son administration, va demander aux trois ordres de rédiger des cahiers dans lesquels on va faire des propositions. L'aristocratie va dire « Tout va bien, il faut taxer le peuple ». Le clergé, même chose. Mm-hmm. Le tiers-État, eux, vont utiliser les cahiers de doléances comme un espace d'une liberté de parole. Et là, tout va y passer. L'état des routes, l'éducation des filles, la liberté de penser, de presse, d'écrire, le prix du pain, les règlements régissant les corporations et surtout, le plus important, la nécessité de faire payer les impôts à tous. Ouais. Mais là, on se dit, voilà ce qu'on veut, on est prêt à réformer la société. Sauf que quand les cahiers de doléances arrivent à Versailles, avant les États généraux, on les met sous le tapis, on se dit, bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. Mais les États généraux, en fait, ce que personne n'avait vu venir, en tout cas certainement pas la bourgeoisie, ni le clergé, ni la royauté, c'est que le tiers-État va s'organiser de telle sorte que ils vont changer complètement la dynamique. Ils vont changer la dynamique. En mai 1789, les députés débarquent à Versailles pour débattre et le roi reste très vague sur les intentions dans son discours d'ouverture. Il dit « Je vous ai appelé pour rétablir la France et vous assurer que tout se passe bien. » Donc là, le tiers-État se dit « OK, là, ça va être une pièce de théâtre et ça va être nous qui allons encore payer. » Donc, à partir d'un certain moment, quand le tiers-État se rend compte de la chose, ils vont se dire « Nous, nous sommes les députés du peuple. Nous représentons le peuple. Et nous n'avons plus à répondre de l'aristocratie et du clergé. Nous allons donc nous constituer en Assemblée nationale. On refuse les États généraux pour dire « Nous allons prendre les décisions parce que c'est nous qui avons eu la représentation du peuple. » Et ça, c'est un tournant, un grand tournant en mai 1789. Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, Monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient les troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que votre majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, votre majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Citoyens ! Citoyens ! J'arrive de Versailles ! Le roi a renvoyé Necker ! Oh ! Citoyens, c'est le signe ! C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes ! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger ! À bon accord ! Autre extrait du film de 1989, La Révolution française, ce renvoi de Jacques Necker qui s'entend pas sur la suite des choses à donner à la suite des États généraux, on y reviendra, ce renvoi-là par Louis XVI de Jacques Necker le 12 juillet 1789, c'est un élément central là, en Turco dans la dynamique qui va conduire à la prise de la Bastille deux jours plus tard. Un mot d'abord sur Jacques Necker lui-même. Jacques Necker, banquier suisse, très proche des philosophes des Lumières, qui est partisan du une approche où tout le monde devrait payer des impôts. Donc, on le disait, favorable aux idées du peuple. Ouais. Et son renvoi, justement, est le signe que Louis XVI ne veut plus se faire imposer cette idée. Et plus encore, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que Louis XVI avait fait masser des troupes étrangères autour de Paris pour éviter, justement, que le peuple se révolte. Et comme le disait le personnage qui est joué par Jacques Necker, on disait, on a peur de ces soldats qui ne parlent pas français. Ouais. Et l'autre extrait encore, vous entendiez Camille Desmoulins au Palais Royal qui dit, ça va être une Saint-Barthélemy pour les patriotes, les régiments suisses et allemands sont massés autour de Paris. Donc on se dit... Le peuple est inquiet. Ah, le peuple est inquiet. Il dit, si on ne se défend pas, on va se faire égorger. Ouais. Donc c'est eux ou nous. Est-ce que vous voulez vous faire égorger sans vous battre? Moi, non. C'est grossièrement ce que dit Camille Desmoulins au Palais Royal le 13 juillet 1789. Ouais. Et là, ça va débouler, donc, ce cri du cœur de Camille Desmoulins aux armes citoyens, en quelque sorte, ça brasse aux Tuileries. Le 13 juillet... Rumeur d'arrestation aussi. Les députés se disent on va venir nous arrêter, on va venir nous prendre. Décrivez-moi un peu ce climat là qui va mener aux événements du 14 juillet. C'est de grandes tensions qui parcourent Paris. Rappelons quand même qu'il y a beaucoup de lieux politiques à Paris. Le Palais Royal où tous les nouvellistes s'assemblent, le Jardin des Tuileries où justement on parle de ce qui se passe. Et comme les députés siègent à Versailles et non pas à Paris, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais il y a des députés qui siègent à Versailles mais qui habitent Paris. Et là, on se dit, la raison pour laquelle les régiments sont venus à Paris, c'est qu'ils vont entrer dans Paris, se saisir des députés et les empêcher d'aller se rassembler à l'Assemblée nationale. Donc, on se dit, c'est un coup de force du roi, il faut s'en prémunir. Il y a une peur qui traverse les esprits, une peur qui traverse les corps, et il faut absolument renverser la vapeur. Ouais, et cette marche vers le 14 juillet, donc, ça va très vite. Sur deux jours, en fait, il y a cette peur qui va conduire à l'organisation de la prise de la Bastille. Qu'est-ce qui se passe donc ce jour du 14 juillet, Laurent Turcot? Rappelons quand même des événements qui sont déterminants pour les Parisiens à cette époque-là. Le prix du pain augmente et atteint des records historiques. 14 sous. Là, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire, 14 sous? Mais pour la majorité des Parisiens, c'est 80 % du salaire qui est consacré au pain. Donc, quand le prix du pain augmente, on ne peut plus se loger et on ne peut plus s'acheter de vêtements. Donc, carrément, là, on est tenu à la gorge. C'en est trop. Necker est renvoyé. Il y a des régiments qui s'assemblent autour de Paris. Le roi semble fermé aux volontés du peuple. Ça y est, on va se faire égorger. Ouais. C'en est fini. Donc, on entend des groupes qui se rassemblent. Il y en a qui disent, il faut aller chercher les fusils. Où se trouvent les fusils? À l'Hôtel Royal des Invalides. Où sont justement assemblés... Ça, c'est le matin du 14 juillet. C'est le matin du 14 juillet. Parce qu'avant la Bastille, il y a plein d'événements qui se passent. Là. Et la journée du 14 juillet, minute par minute, tout peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc le matin, on se dit, on va aux Invalides chercher les fusils. Et on ramasse les fusils en question, sauf que c'est pas là qu'est entreposée la poudre. Ouais. On se dit, où se trouve la poudre? À la Bastille. Ouais. Il faut détruire la Bastille. Ouais. Il faut aller la chercher et on va être capable de s'armer contre le roi. Donc, évidemment, nécessité, la poudre, des fusils sans poudre, ça donne rien. Mais plus que ça, on y revient dans un instant. La Bastille, oui, la poudre est à la Bastille, mais la Bastille, c'est plus que ça dans l'esprit de ce peuple qui marche vers la Révolution. Écoutons un extrait d'un reportage diffusé à Antenne 2 le 14 juillet 1989 à l'occasion du bicentenaire de la prise de la Bastille. Reportage d'Hervé Busini. Une odeur vous prend à la gorge, poivrée, grisante, plus forte que celle des charrettes de paille enflammées poussées contre la forteresse. La Bastille disparaît aux yeux de ses assaillants. C'est la poudre qui les intéresse, les stocks de poudre que renferme la bâtisse. Sinon, les 3000 fusils et 20 pièces de canon saisies aux Invalides quelques heures plus tôt ne serviront à rien. Ils redoutent une charge massive des armées de la cour. Launay, le gouverneur de la Bastille, a piètre réputation. Il double son traitement à force de privations exercées sur les prisonniers. Un livre, un témoin aussi, Latude, qui fut détenu 35 années durant, ont largement raconté les arrestations arbitraires. À présent, la foule est dans l'enceinte du bâtiment. Une foule ivre de son propre danger. Les gardes suisses tirent inlassablement. Enfin, les assiégés vont faire passer un texte à l'extérieur. C'est la reddition après 4 heures de lutte. La tête de Launay est mise au bout d'un pic. Ils étaient 7 à croupir dans les cachots. 80 à défendre ces murailles que l'on eut plaisir à mettre à bas. Alors, au-delà de cette nécessité d'aller chercher de la poudre pour mettre dans les fusils, Laurent Turcot, pourquoi le peuple se rend à la Bastille le 14 juillet 1789? La Bastille, c'est une prison royale, bien sûr, qui est un peu à la frontière de Paris, à côté du Faubourg Saint-Antoine, qui est un grand faubourg populaire, très houleux, où il y avait déjà eu des événements, ce qu'on a appelé les émeutes réveillons. Mais la Bastille, c'était avant tout un symbole de l'arbitraire royal. Ouais. Il existe dans la monarchie française ce qu'on appelle des lettres de cachet, c'est-à-dire un ordre royal qui permet au roi ou à des policiers de faire enfermer quelqu'un sans procès et on l'amène directement à la Bastille. Et la Bastille, c'est le haut lieu où les philosophes des Lumières ont été enfermés. Ouais. Donc, on se dit, quand ça nous plaît pas, du moins quand la parole ne nous plaît pas, clac, embastillé, ça devient un mot. Être embastillé, c'est justement ne pas avoir la liberté de parole que l'on devrait avoir, du moins selon certains. Donc, on rentre à la Bastille, on se dit là, cette prison qui domine Paris, dont les canons sont pointés sur la ville, c'est un danger pour nous. Et plus encore, on va aller chercher la poudre pour nous-mêmes se prémunir contre les attaques des régiments étrangers qui pourraient nous égorger. Et concrètement, comment ça se passe, cette attaque, cette prise de la Bastille? Alors, rappelons les événements. On est passé par les Invalides. La foule, on n'arrive pas à savoir exactement combien parce que les sources se contredisent sur ce point de vue-là. On arrive à 11 heures à la Bastille. Et là, on somme de Launay, du moins quand je dis « on », c'est-à-dire les représentants du district, somme de Launay de rendre la forteresse. De Launay, donc, qui est le gouverneur de la Bastille, c'est un officier. On dit « mais qui êtes-vous? Quelle autorité avez-vous pour que je vous rende un bastion royal de cette manière? » Donc, il refuse carrément et dit à ses régiments, les 80 soldats, les gardes suisses, « préparez-vous à tirer. » Il ne veut pas tirer, bien sûr. Il ne veut pas faire couler le sang du peuple. Sauf que on est de plus en plus insistant du point de vue de la foule. Et même, il y en a qui essaient de descendre le pont-levis pour qu'on puisse y entrer. À un moment donné, on se dit « OK, là, il faut parlementer. » Des représentants du district vont voir de Launay, on discute, il ne se passe rien. De Launay sait qu'il peut attendre du renfort, notamment les gardes françaises. Et les gardes françaises, qui étaient situées pas très loin du boulevard, descendent le boulevard, arrivent devant la Bastille, et là, il se dit « ça y est, je suis sauvé ». Et pourtant, les soldats décident de tourner casaque et de se rallier au peuple. C'est un point tournant. Pourquoi cette décision? C'est hallucinant. Ben, on se pose beaucoup la question parce qu'il y a beaucoup de volonté individuelle de la part de ces hommes qui, rappelons-le, bien qu'ils soient soldats représentants du roi, c'est surtout des individus qui sont proches d'une cause et beaucoup plus proches de la cause du peuple que de celle de l'autorité et de l'arbitraire royal. Ouais. Donc, ils se disent « oui, c'en est fini ». Et donc, la poudre que l'on n'avait pas, qu'on voulait aller chercher à la Bastille, dorénavant, on l'a, mais plus encore, on a des soldats qui sont capables d'attaquer. Donc, là, c'est rendu une bataille. La Bastille tombe à partir de ce moment-là et ça va se terminer, cette journée du 14 juillet, par une démonstration de violence assez saisissante. Qu'est-ce qui va se passer, Laurent Turcot? Il est 17 heures, le 14 juillet 1789. Les pavés sont rouges de sang. Le peuple, par vagues successives, a essayé de prendre la Bastille. On a tiré des deux côtés. Ça se passe mal. Finalement, de Launay accepte la reddition et il ne se fait pas d'illusions. Il sait très bien qu'il va mourir, mais il ne devine pas la violence avec laquelle ça va se dérouler. On le prend et on le sort de la Bastille et on veut l'amener à l'hôtel de ville. Donc, on veut lui faire traverser la moitié de Paris pour aller le juger devant l'hôtel de ville. Sauf qu'il y en a qui, dans la foule, se disent « là, c'en est assez. On a besoin de quelqu'un pour exercer l'espèce de tension qui est en nous. On saute sur lui, on lui coupe la tête, on l'arrache. » On raconte même que certains auraient bu son sang. Ça ça fait partie de la légende, mais on prend sa tête, on la met sur une pique et paf! C'est pas fini, hein? Le prévôt des marchands, l'équivalent du maire de Paris qui passe par là, va subir le même sort. Lui aussi, on le prend, on lui coupe la tête, schlac, sur une pique. Donc, on se promène avec ses têtes comme un trophée dans Paris. Exactement. Et ça va être le début d'une espèce de symbolique de ceux qui ne sont pas de notre bord, on vous met sur une pique. Et c'est aussi le début d'une violence qui existait déjà avant. Hein. La Révolution française n'a pas inventé la violence de révolte, mais l'a simplement canalisée et l'a montrée à tout le monde. Revenons à notre brave Louis XVI, entre guillemets, qui a été réveillé, sorti de son sommeil pour se faire dire que c'était pas une révolte, mais la Révolution. Comment il va réagir, Louis XVI, à cette prise de la Bastille? Alors, il y a le grand mythe selon lequel il aurait écrit dans son journal 14 juillet rien. En fait, ce n'était pas un journal, c'était un journal de chasse. C'est qu'il a chassé toute la journée le 14 juillet, il revient chez lui et dit « j'ai rien pris ». Donc, on a mal interprété ses dires. Mais lui, quand on lui dit « la Bastille a été prise », là, il dit « mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, ce peuple? » Mais il y a aussi l'Assemblée nationale qui est à Versailles. Il sent que le vent tourne et il se dit « que puis-je faire? Soit je confronte, soit j'apaise. Ouais. » Donc, il connaît quand même assez bien son histoire, Louis XVI. Et il a notamment étudié l'histoire anglaise. Et dans les années 1640, il y a eu une révolution en Angleterre. Et le roi a refusé, le roi anglais, donc a refusé de reconnaître le tribunal britannique. Et pour ça, peu à peu, il a perdu, bien sûr, son pouvoir et la tête. Et Louis XVI ne veut pas ça. Mm-hmm. Il veut apaiser en disant « d'accord, je vais faire ma part pour le peuple ». Et le lendemain du 14 juillet, donc le 15, il décide de quitter Versailles et de se rendre à Paris. Il arrive à l'hôtel de ville où il est accueilli le 17 juillet bientôt par le marquis de Lafayette, celui qu'on va appeler le héros de la Révolution, mais plus encore le héros des deux mondes. Il a fait la guerre d'indépendance américaine et la Révolution française. Et là, Lafayette va lui donner la fameuse cocarde tricolore. Aux couleurs de Paris, le rouge et le bleu, il va ajouter le blanc de la monarchie. Ouais. Donc, la cocarde tricolore qui est devenue le drapeau français, c'est les couleurs de la ville de Paris plus les couleurs de la monarchie. Aujourd'hui, Laurent Turcot, on boucle la boucle, on retrouve en quelque sorte Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on célèbre en France? D'abord, quand est-ce qu'on décide que ce sera la fête nationale des Français, le 14 juillet? Puis comment va évoluer le sens de cette fête-là au fil du temps? On se trompe beaucoup sur la fête nationale des Français. On pense qu'on fête le 14 juillet 1789. En fait, non. On fête l'année suivante, ce qu'on appelle la fête de la Fédération, où on rassemble les forces vives de la nation, où on veut régénérer, ça, ce mot-là est à la mode, pour créer de nouvelle dimension politique, et c'est la fête de la Fédération que l'on fête à chaque année qui, au 19e siècle, va devenir la fête nationale des Français. Et encore aujourd'hui, c'est un puissant réservoir pour les hommes et les femmes politiques pour aller se servir, pour faire dire tout et n'importe quoi, indépendamment souvent des événements. Mais une chance, les historiens sont là. Merci Laurent Turcot, historien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.